Moi, je vais vous dire une chose, j'ai su faire la fusion, puis comment est-ce qu'on dit ça? Je ne souhaiterai pas à personne la fusion instantanée. Mais malgré toutes mes souffrances, je ne retournerai pas un instant dans ma vie en arrière. Pas un instant dans ma vie en arrière. Pour rien, pour rien, pour rien. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai rien à apprendre de personne. Puis le fait que j'ai rien à apprendre de personne, c'est ma liberté. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ça veut dire rien avoir à apprendre de personne. Fait que là, là, vous commencez à voir que quand je parle d'être libre, ce que je veux dire, c'est être libre de la télépathie d'ambiance. Fait que le libre arbitre qu'on a, puis être libre, c'est pas pareil. Le libre arbitre, c'est le mouvement de liberté qu'on a à l'intérieur du jeu de la télépathie d'ambiance. Mais être libre, ça veut dire ne plus être affecté par la télépathie d'ambiance. À ce moment-là, tu n'as plus rien à apprendre de personne. Pourquoi tu n'as plus rien à apprendre de personne? M'en dis donc. Parce qu'il n'y a plus de place pour apprendre. Parce qu'il n'y a plus de place pour apprendre. Il n'y a plus de place. Dans quel sens? C'est vide. C'est vide. Il n'y a plus de place pour apprendre. Pour apprendre quelque chose. Faut que tu aies de l'espace pour apprendre. Quand tu n'as plus de place pour apprendre, tu n'as plus rien à apprendre. Moi, j'ai plus de place pour apprendre. Autrement dit, il n'y a plus d'endroit dans mon esprit pour apprendre. Autrement dit, il n'y a plus de place pour eux autres dans mon cerveau. Comprenez-vous? Fait que quand il n'y aurait plus de place pour eux autres dans votre cerveau, vous n'aurez plus rien à apprendre de personne. On va-tu manger? C'est bien intéressant. Alors, si on part du fait que la télépathie ambiante ou la communication entre l'homme et la source de la pensée planétaire se situe dans son cerveau, on peut facilement déduire que la nature de l'espace ou la nature du volume ou la nature des corps solides convient à l'intelligence de l'homme selon l'idée qu'il se fait de sa réalité. Si la réalité de l'homme change, c'est-à-dire que si l'intelligence de l'homme change, automatiquement, son concept du volume de l'espace change. C'est-à-dire que son concept de la vie matérielle s'altère parce qu'il n'est plus prisonnier d'une idée fixe. L'idée fixe étant cette idée qui fait que l'homme est ici et que l'invisible est ailleurs. Si on compresse ou si on comprime la réalité visible de l'homme et la réalité invisible de l'homme à l'intérieur de l'organisation moléculaire ou atomique de son cerveau, on s'aperçoit que le monde invisible est beaucoup plus près de l'homme qu'on ne se l'imagine. Et que le monde invisible, pour avoir une activité quelconque, que le monde invisible, pour avoir une dimension quelconque, doit être vu en fonction, non pas de ce que l'homme a toujours prétendu voir, c'est-à-dire des espaces infinis, mais dans l'invisible, mais réellement des espaces finis à l'intérieur d'un, d'un volume biologique qui fait partie de sa nature inférieure. Si l'homme va plus loin que sa réalité volumétrique, si l'homme va plus loin que l'illusion qu'il a de sa réalité psychique, si l'homme va plus loin que l'idée qu'il se fait de la réalité des mondes invisibles comme celle du plan matériel, il s'aperçoit que l'éther ou le réel est aussi très près de lui. Si l'invisible astral est près de lui, si le monde des morts existe à l'intérieur de cette couche atomique qui fait partie de son cerveau, il est évident aussi que le plan éthérique ou les plans plus subtils de l'énergie sont expérimentés en fonction du même espace qu'occupent les intelligences astrales. Autrement dit, lorsque l'homme aura été vidé de ce qui est astral, il sera rempli de ce qui est éthérique. Et automatiquement, il aura accès à l'éther le jour, comme il a accès à l'astral la nuit. La nuit, quand vous dormez, vous avez accès à l'astral, parce que la nuit, votre conscience est libérée des activités sensorielles. Lorsque l'homme sera conscient, l'homme pourra avoir accès à l'éther le jour, dans son état d'éveil, en même temps qu'il aura accès à sa conscience sensorielle. La raison pour laquelle il y a une dichotomie entre la conscience sensorielle de l'homme et le sommeil, c'est que si l'homme vivait à la fois la conscience astrale pendant qu'il vit sa conscience sensorielle, il deviendrait schizophrénique. Il ne pourrait pas faire la part des choses. Il ne pourrait pas substituer ce qui est réel dans son cerveau à ce qui doit être vécu dans le matériel. Et automatiquement, sa vie serait malheureuse. Alors, sa vie est très séparée. Il y a une vie sensorielle de jour qui est plutôt psychomotrice et une vie psychique la nuit qui est astrale, quand il dort. Mais lorsque l'homme sera conscientisé, lorsqu'il sera vide de ce qui est astral, à ce moment-là, sa conscience éthérique sera manifeste quand il le voudra. C'est-à-dire que son intelligence ne pourra jamais le laisser. C'est-à-dire que sa conscience ne pourra jamais le laisser parce qu'il n'y aura pas de dichotomie. Et à ce moment-là, l'homme sera d'une façon permanente dans son intelligence, il sera d'une façon permanente créative, il sera d'une façon permanente heureux parce qu'il aura accès à un monde parallèle qui sera le produit de sa construction, et il sera aussi heureux sur le plan matériel parce que sa vie sur le plan matériel ne sera qu'une expression dans la matière de ce qu'il sera lui dans l'éther. Ce qui rend la vie difficile pour l'homme sur la Terre, c'est que l'homme n'a pas de preuves suffisantes de sa valeur fondamentale, de sa réalité. Alors, automatiquement, le seul moment dans sa vie où il est réellement libéré des problèmes de la vie, c'est quand il dort. Mais l'homme peut très bien être sur la Terre, sur le plan matériel, et ne pas souffrir de cette condition, et pouvoir exercer son droit d'homme, c'est-à-dire pouvoir exercer son droit à l'intelligence pendant qu'il est éveillé. Et lorsqu'un homme peut exercer son droit d'intelligence quand il est éveillé, on dit que cet homme-là est conscient, on dit qu'il est complet, on dit qu'il est bien en sa peau, qu'il est heureux, qu'il est créatif, ainsi de suite. La raison pour laquelle j'ai voulu amener la conversation ce soir au fait que le monde de la télépathie ambiante est un monde qui habite le cerveau de l'homme, c'est pour faire réaliser à l'homme que toutes les catégories de la philosophie de vie, toutes les catégories de pensée, toutes les catégories existentielles, toutes les catégories qui donnent à l'homme un support sur le plan émotionnel et mental, que toutes ces catégories-là existent dans son cerveau. Et que ces catégories-là proviennent de mondes qui existent dans son cerveau. Et que l'homme, un jour, doit subir la transmutation de son cerveau. C'est-à-dire que ses neurones doivent atteindre un taux vibratoire autre pour qu'il puisse être totalement libre de ses vibrations, de ses énergies, pour qu'il puisse recevoir une autre vibration qui est la vibration de l'énergie de l'intelligence. Une fois que l'homme est dans l'intelligence, il n'y a plus besoin de se soucier de la vie. Parce qu'à ce moment-là, la vie se fait tout seul, elle se manifeste tout seul, elle se crée tout seul, elle est instantanément comprise, et l'homme, sur le plan matériel, n'a qu'à l'exécuter. Et un jour, l'homme doit en arriver à exécuter sa vie, c'est-à-dire à la remplir constamment au fur et à mesure que l'énergie de la vie, c'est-à-dire l'énergie de l'intelligence, se manifeste dans son cerveau. Mais l'homme est tellement prisonnier de la conscience, d'une conscience parallèle, il est tellement prisonnier d'une intelligence qui n'est pas la sienne, qu'il est très difficile pour lui de vivre sa vie comme il veut. Et c'est ce point-là que je veux attaquer dans la troisième section. Que vous preniez n'importe quel homme sur la Terre et que vous lui dites, s'il est moindrement évolué, comment aimerais-tu vivre ta vie? Et cet homme pourra vous dire, bon, j'aimerais ça faire telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie, telle chose. Si l'homme est suffisamment évolué, suffisamment dans son intelligence pour voir ce qu'il aimerait faire dans sa vie, il se peut très bien que ce qu'il voit fait partie de son intelligence. Et ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme, c'est réalisable sur le plan matériel. Tout ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme, c'est réalisable sur le plan matériel. Ce qui fait partie de l'intelligence parallèle ou ce qui fait partie de la télépathie ambiante de l'homme n'est pas nécessairement réalisable sur le plan matériel. C'est un jeu de l'esprit, ça. Mais ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme est réalisable sur le plan matériel. Mais pour que ceci soit réalisé, il faut que cet homme-là soit dans son intelligence. Alors, il est bon de demander à l'homme, ou il est bon que l'homme se demande, si ce qu'il ressent intérieurement fait partie de son intelligence réelle, ou si ça fait partie de son intelligence ambiante. Et dans les années qui vont suivre, vous serez forcé éventuellement d'en arriver à une conclusion. Vous serez forcé éventuellement à en arriver à une décision précise. Vous serez forcé de voir la ligne de démarcation entre ce que vous voulez réellement vivre éventuellement et ce que vous ne pouvez pas vivre parce que ça ne fait pas partie de votre intelligence. Et lorsque vous aurez statué que ce que vous voulez vivre éventuellement fait partie réellement de votre intelligence, fait partie réellement de votre intérêt vital, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à découvrir votre intérêt vital. Mais la découverte de l'intérêt vital et la toucher du doigt de l'intérêt vital, ce n'est pas facile parce que l'homme n'est pas aussi libre de découvrir ou de mettre à point son intérêt vital qu'il le pense. Il a le pouvoir, il a la capacité, mais ce n'est pas aussi facile pour lui qu'il le pense, parce que l'homme est toujours dominé par l'intelligence ambiante. Je vous donne un exemple. Supposons que vous travaillez dans l'industrie et que vous êtes très bien payé, vous avez un bon salaire. Vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans. Il deviendra difficile pour vous de mettre de côté cette industrie pour votre intérêt vital. Parce que cette industrie vous offre une sécurité. Les sous que vous faites dans cette industrie sont déjà hypothéqués. Autrement dit, vous avez des dettes. Et pour vous, de laisser cette industrie, ça demande beaucoup de clairvoyance, de voyance claire. Ça demande peut-être que vous ne soyez pas influencé par votre belle-mère. Ça demande que si vous êtes ingénieur et que vous deviez, pour être bien, devenir boulanger, ça demande que vous soyez capable de convaincre votre femme, de votre beau-père, et ainsi de suite. Je vous donne des exemples. pour faire réaliser que lorsque l'homme passe de la vie subjective ou que l'homme passe de l'influence de l'intelligence parallèle à l'application dans sa vie de son intelligence réelle, il est obligé de se retourner complètement contre son ancienne vie. Non pas par un coup de tête, mais parce que son intelligence réelle l'a éventuellement informé, s'est fait sentir en lui suffisamment fort pour qu'il commence à voir le portrait qu'elle veut dessiner sur le mur de son esprit. Mais les hommes aujourd'hui ont énormément de responsabilités. Il y a des gens qui ont beaucoup de responsabilités, il y a des gens qui ont des business, il y a des gens qui sont pris dans des situations de famille. C'est très complexe, la vie moderne. Et viendra un jour où il y aura sur le globe une petite concentration d'espace libre. Il y en aura à peu près 7. Et dans ces espaces libres-là, les individus les plus avancés dans leur intelligence trouveront un havre de paix. C'est-à-dire que les individus pourront aller là, vivre là, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'étranger, et ces individus seront totalement en harmonie avec ces endroits-là. Mais ces individus auront totalement laissé de côté le système matériel. Le système tel qu'il le voit aujourd'hui, tel qu'il le vit aujourd'hui. Et les conditions seront appropriées pour ces individus-là éventuellement pour vivre à l'intérieur de ces enclaves une vie de transition matérielle, mais où le souci de la vie matérielle n'existera plus. Ça ne veut pas dire que ces individus ne travailleront pas, mais ils travailleront d'une façon qui sera particulièrement organisée en faveur de la conservation de l'énergie à l'intérieur de ces systèmes qui seront créés par eux. Le problème de la télépathie ambiante, c'est un problème qui engage l'homme toute sa vie. La télépathie ambiante engage l'homme toute sa vie, et un jour, l'homme, s'il doit devenir intelligent, s'il doit devenir libre, s'il doit en arriver à vivre sa vie comme il veut, doit être capable de se dégager de cette psychologie d'intelligence ambiante pour commencer à réaliser les obstacles de cette psychologie. Naturellement, l'homme ne peut pas faire les efforts personnels ou égocentriques pour réaliser ces efforts-là. C'est la pénétration de l'énergie de l'intelligence qui déplace l'énergie de la pensée ou de l'intelligence ambiante. Heureusement qu'il en est ainsi, parce que aucun homme n'aurait la force, le courage de substituer son moi subjectif pour une réalité autre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a toujours été très très difficile pour les hommes de se connaître eux-mêmes. Pour que l'homme se connaisse lui-même, il faut qu'il se débarrasse complètement des singes qui sont sur son dos. Et les singes qui sont sur le dos de l'homme sont les personnalités qui se manifestent à travers ses pensées pour maintenir constamment le voile de l'illusion sur la personnalité. Mais l'homme n'est pas un être facile. L'homme n'est pas un être facile, c'est-à-dire que l'homme est un être entêté. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne réalise pas parfaitement le mécanisme de l'entêtement. L'homme ne réalise pas que les pensées qui font partie de son entêtement sont foncièrement des pensées qui viennent de notre monde. Et ce qui bloquera l'homme, probablement, dans l'évolution vers la conscience supramentale, dans l'évolution vers la liberté, dans l'évolution vers une vie qui tranche complètement sur la vie ancienne, sera son entêtement ou son acharnement ou sa crainte de laisser derrière lui quelque chose qui alourdit son poids plutôt que de l'alléger. C'est pourquoi dans les années qui viendront, les hommes seront testés dans leur habileté de se désengager complètement de cette pensée qui provient des mondes parallèles. Un certain nombre réussiront à passer à travers ce test, à travers cette condition, et les autres seront prisonniers de cette condition. quand je dis que l'intelligence, c'est une énergie, je dis que lorsque l'homme est dans cette énergie, il en arrive à un point où il n'a plus le choix. Et pour être dans l'intelligence, il ne faut plus avoir de choix. Il ne faut avoir que de la volonté et de l'intelligence. Tant que l'homme a un choix, le choix qu'il a fait partie de l'intelligence des mondes parallèles. Ne pas avoir de choix ne veut pas dire ne pas être libre. Ne pas avoir de choix veut dire ne pas avoir à choisir. Et quand on est dans l'intelligence, on n'a rien à choisir. On voit et on agit dessus. Mais lorsqu'on a à choisir, à ce moment-là, on est assujetti automatiquement à la télépathie ambiante. Et c'est très difficile pour l'homme de s'imaginer vivre sans choisir. Parce que l'homme a toujours fait des choix. Mais l'homme a toujours fait des choix parce qu'il a toujours été prisonnier de la psychologie ambiante. Un homme qui est moindrement conscient ou un homme qui est conscient, un homme qui va lentement vers la fusion, réalise éventuellement qu'il n'y a pas de choix à faire. Il y a seulement à agir dans le cadre de l'intelligence qu'il a de telle chose. C'est pour ça que souvent vous allez réaliser que les choses dans votre vie qui ont été très très importantes se sont faites très très très vite. Il n'y avait pas de choix à faire. Ça s'est fait bien vite. Les conditions étaient toutes là préparées et vous n'aviez qu'à agir. C'est comme ça qu'agit l'intelligence en l'homme. Lorsque l'homme est obligé de choisir, balancer, mesurer, quand ça finit plus, c'est que il y a en lui suffisamment d'intelligence ambiante pour jouer avec ses nerfs. Les gens, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés dans la vie de prendre des décisions, c'est un exemple. Quand on a beaucoup de difficultés à prendre une décision dans la vie, quand c'est difficile pour soi de faire un choix entre une pantoufle bleue et une pantoufle rose, c'est parce que on est énormément affecté par ces énergies qui proviennent des mondes parallèles de la pensée. Et on n'est pas habitué à agir vite. On n'est pas habitué à agir dans l'instantané. On n'est pas habitué à agir sans qu'il y ait de réflexion en soi. Parce que ces mécanismes de pensée parallèle ou de pensée ambiante sont toujours à l'affût de nos faiblesses. Ils sont à l'affût de nos faiblesses parce qu'ils ont créé nos faiblesses. Ils ont créé nos faiblesses parce que nous avons un lien vibratoire mémorifique avec elles. Sur le plan matériel, nous disons souvent qu'une personne, par exemple, qui va naître de parents qui souffrent d'une certaine maladie, peut être affectée génétiquement par les parents. Le même phénomène existe sur le plan de l'esprit. Un homme vient sur la Terre et il est affecté spirituellement par les mondes des intelligences parallèles. Il y a une relation, non pas génétique, parce que ce n'est pas matériel, mais il y a une relation vibratoire qui existe entre les esprits, comme il y a une relation vibratoire qui existe entre les corps matériels. Alors, c'est très important pour l'homme d'être libre des contingences ou de la continuité de certains phénomènes qui se répètent, comme la généticité sur le plan matériel, qui peut être guérie par la science, ou la communication, la relation karmique, mémorifique qui existe entre la pensée de l'homme et les intelligences qui sont sur d'autres plans. Et c'est extrêmement important pour l'homme de réaliser d'une façon intégrale et d'une façon absolue que sa télépathie ambiante est un phénomène qui fait partie de lui, qui fait partie de son cerveau, qui fait partie de sa réalité psychologique et qui donne à sa réalité psychologique l'envergure qu'elle a. Et tant que l'homme n'a pas sorti de l'envergure de sa réalité psychologique, il est incapable de découvrir une nouvelle intelligence qui puisse s'adapter à des conditions de vie et créer des conditions de vie qui ne sont pas raisonnables vu du point de vue de la psychologie ambiante et de la psychologie qu'elle donne à l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile pour l'homme de découvrir son intérêt vital. Pourtant, il est très simple l'intérêt vital de l'homme. Chaque homme en a un intérêt vital. Mais c'est très pénible pour l'homme de le découvrir parce que la psychologie ambiante de l'intelligence parallèle l'en empêche. Il est évident qu'un homme ne peut pas arriver instantanément à son intérêt vital. Il doit passer un certain nombre d'années au cours desquelles son émotionnel, son mental s'ajuste pour qu'il devienne de plus en plus intelligent et pour qu'éventuellement son intérêt vital soit le produit créatif de son intelligence. C'est normal. Mais il est normal aussi que l'homme sache qu'il a un intérêt vital, que chaque homme sache qu'il a un intérêt vital. Et c'est très important dans les années qui viennent que les hommes découvrent leur intérêt vital. Parce que les hommes ne seront jamais sur la terre heureux. Pas à l'intérieur du système économique et politique qui existe aujourd'hui. Mais de faire un saut, de sauter du stage de l'homme économique et de l'homme politique à l'homme libre, pour un homme qui est prisonnier de la télépathie ambiante, c'est pas facile. Parce que qu'est-ce qui vous saute aux yeux quand vous considérez votre intérêt vital? Mais vous allez considérer automatiquement vos intérêts personnels qui sont proches de vous. Vous allez considérer vos enfants, vous allez considérer vos dettes, vous allez considérer ci, vous allez considérer ça, vous allez considérer autrement dit toutes ces chaînes qui vous lient aujourd'hui à une condition psychologique qui fait partie justement du jeu entre vous et eux. Donc vous, vous êtes victime. C'est pourquoi je dis dernièrement que c'est très très important que les gens commencent petit à petit à regarder dans leur problème, à télescoper le problème et à aller voir le problème et à les réaliser et à commencer à les éplucher, ces problèmes. Tant que vous n'aurez pas suffisamment regardé les problèmes dans votre vie qui vous agacent, les problèmes dans votre vie qui vous empêchent de dire « bon, mais je suis bien », sans être nécessairement encore bien dans votre peau, mais au moins bien, vous n'aurez jamais l'énergie suffisante pour transcender la psychologie humaine qui est détenue par des intelligences sur des plans supérieurs, sur des plans parallèles. Autrement dit, vous serez toujours victime de vous-même. Et quand je dis que vous serez victime de vous-même, vous serez victime de ce qui a été créé en vous, à cause de votre rapport, à cause de votre lien vibratoire avec d'autres esprits avec lesquels vous avez eu des liens au cours des incarnations antérieures ou en relation avec des expériences sur les plans invisibles. Mais je ne veux pas m'avancer dans un domaine trop abstrait parce que c'est inutile. On a besoin de comprendre des choses telles qu'elles sont et non pas nécessairement de comprendre des choses à travers un langage qui s'abîme chaque fois qu'on parle de l'invisible. Ce que nous avons besoin de comprendre des hommes sur le plan matériel, c'est la nécessité de se carrer, de se tailler un coin de vie, qui fait partie de nos, je ne dirais pas de nos instincts les plus fondamentaux, mais de nos désirs les plus profonds. Ces désirs profonds étant l'émanation de notre intelligence à travers notre corps astral, pour le bénéfice de notre intelligence et pour le bénéfice aussi de notre corps matériel. Tout est à long terme, mais tout est à court terme. C'est-à-dire que tout doit commencer maintenant pour finir demain, pour se traduire demain en une réalité qui convient à notre esprit. Mais les hommes ne peuvent pas s'attendre non plus à ce qu'un miracle leur tombe sur la tête. Il faut que les hommes puisent au fond d'eux-mêmes cette notion de leur intérêt vital et qu'ils en parlent, qu'ils le rencontrent, qu'ils en discutent avec d'autres hommes qui sont à la même recherche. Et lorsque les hommes auront découvert leur intérêt vital propre, à ce moment-là, ils verront que leur intérêt vital coïncide avec l'intérêt vital d'autres hommes. Et à ce moment-là, ces hommes ensemble, avec toute cette intelligence créative, pourront former quelque chose, pourront créer quelque chose, pourront s'instruire de quelque chose sur le plan matériel qui conviendra à leur personnalité future. Il est inutile pour moi de parler de ces choses-là avant le temps, parce que les hommes ne peuvent pas vivre de l'avenir. Mais il est important que j'en parle, parce que moi, je sais que l'homme s'en va vers ceci. Qu'il y en a 10, 50, 100, 200, ou 500 ou 5000, ça n'a pas d'importance. Mais qu'il y en ait un, c'est important. Et moi, je suis le premier. Alors, pour moi, la vie sur le plan matériel est très intéressante, elle est très importante, elle a d'autres dimensions, elle a d'autres faces. Mais la vie sur le plan matériel doit être totalement intégrée à l'intelligence. C'est-à-dire que la vie sur le plan matériel doit être totalement bien vécue. Elle doit être vécue de telle sorte... que l'homme qui la vit bien puisse correspondre avec d'autres hommes sur le même plan d'intelligence qu'il est, pour que se confirme sur la Terre la conscience supramentale et pour qu'elle descende et pour qu'elle se diffuse dans le monde. Mais ceci encore fait partie de l'évolution de l'homme. En ce qui concerne l'évolution de l'individu, ce qui est le plus important, parce que l'évolution de l'individu fait partie de l'évolution de l'homme, c'est que l'individu réalise, pense à éliminer complètement ses problèmes de sa vie. Et si vous pensez que dans votre vie, vous avez des problèmes qui ne peuvent pas être éliminés, des problèmes qui sont insurmontables, ça fait partie du pouvoir de la conscience parallèle sur votre esprit. Si vous pensez dans votre vie qu'il y a des problèmes qui sont insurmontables, ces problèmes font partie de l'imposition de certaines pensées sur votre esprit pour vous empêcher d'être libre. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune possibilité de problème dans la vie d'un homme qui ne soit insurmontable. C'est impossible. Et c'est impossible aussi à l'intelligence de ne pas pouvoir résoudre des problèmes. De sorte que pour vous, c'est extraordinairement important de réaliser ceci. Très important. Vous ne pouvez même pas vous permettre autre chose. Votre carrière est beaucoup moins importante que vos problèmes. Votre carrière n'est simplement qu'une façon à vous de faire des sous pour payer votre logement. À moins que vous soyez encore dans cet état primitif où votre carrière est importante pour vous parce qu'elle donne à votre statut un ego, à votre ego un statut. Remarquez, j'ai dit à votre statut un ego. Je ne parle jamais pour rien. Il ne s'agit pas pour l'homme de faire des sacrifices dans sa vie. Ça, c'est du spiritualisme. Il s'agit pour l'homme d'être intelligent, de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et lorsque l'homme fait ce qu'il veut, ce qu'il aime, il a les idées plus claires. Et lorsqu'il a les idées plus claires, il est plus intelligent. Déjà que le fait qu'on soit dans une vie matérielle, qu'on fasse partie d'un cadre économique ou politique où il est plus difficile pour l'homme de vivre ses idées d'une façon totalement libre, imaginez-vous que si vous n'avez pas la conscience suffisamment éveillée pour réaliser l'importance d'être libre de vos problèmes, imaginez-vous que la vie, que votre intelligence, que votre vie matérielle ne pourra jamais être aussi abondante qu'elle pourra l'être. Et quand je dis abondante, je ne veux pas dire en termes de dollars ou de sous, mais je veux dire abondante dans ce sens que vous serez riche lorsque vous n'aurez plus de problèmes. Un homme qui n'a plus de problèmes, il est riche. Mais dès que l'homme a un problème, même s'il est riche, il est pauvre. Parce que le problème va lui enlever de l'énergie et automatiquement va créer sur son esprit l'emprise des mondes d'intelligence parallèle. L'homme doit réaliser que son intelligence est dans son cerveau. Elle est totalement dans son cerveau. Et que l'énergie qui est à l'extérieur, l'énergie qui est dans le cosmos, entre dans ce cerveau. Et que pour que cette énergie entre, il faut que l'autre sorte. Comment l'autre sort-elle lorsque les problèmes sont éliminés? Les problèmes de l'humanité sont les faces, sont les masques de l'intelligence astrale, de l'intelligence ambiante sur l'homme. Aussitôt qu'il y a un problème dans la vie de l'homme, ce problème vient de l'intelligence ambiante. Il a été créé par l'intelligence ambiante. C'est très grave. C'est très sérieux. Et si nous avions une idée, si nous avions une vision de notre cerveau, si nous avions une idée de la façon dont nous fonctionnons, nous serions extrêmement surpris de voir, de réaliser que nous avons très très peu de liberté sur le plan matériel. Mais lorsque l'homme commence à réaliser ceci, il commence à se fâcher. Et quand il commence à se fâcher, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie. Et l'ordre dans sa vie, c'est l'application de l'intelligence à l'intérieur de cette jungle de problèmes qui existent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui aiment leurs problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui ne veulent pas trop les éliminer, leurs problèmes, parce que le problème leur donne de l'argent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui ne veulent pas perdre de problèmes, parce qu'ils aiment leurs problèmes. Mais à fond, le problème qu'ils aiment, c'est l'insécurité qu'ils ont de vivre seul. Alors, les problèmes de l'homme peuvent être expliqués, analysés, regardés de toutes sortes de façons, mais ils reviennent toujours à la même chose, à l'incapacité de l'intelligence de trancher les questions. Et un jour, l'homme doit en venir, au cours des générations qui viennent, à pouvoir trancher les questions, toutes questions humaines, en fonction de son intelligence. Et ce sera la mesure de l'homme. J'ai déjà dit que l'intelligence n'est pas encore sur la Terre, elle commence. Nous n'avons pas d'idée de la puissance de l'intelligence. Nous n'avons pas d'idée de la puissance. L'intelligence est absolument extraordinaire. Ça n'a pas de limite, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de visage, l'intelligence. Ça n'a aucun visage. C'est une force qui nourrit l'homme sur tous les plans. Alors, si l'homme est nourri par autre chose, ce n'est pas de l'intelligence. Alors, à ce moment-là, il mange, il consomme des nourritures ou une nourriture qui n'est pas bonne pour lui. Alors, à un certain moment, il doit s'éveiller à cette réalité-là. Les gens ne peuvent pas continuer toute leur vie à courir les philosophies et les maîtres et les ci et les ça. Les hommes doivent un jour en arriver à pouvoir trancher les questions par eux-mêmes. L'homme doit être le seul juge de tout ce qu'il est. S'il n'est pas le seul juge de tout ce qu'il est, il est jugé par les intelligences sur l'autre plan, par le biais des pensées qui entrent dans son cerveau. Et il ne faut pas s'imaginer que l'homme a beaucoup de temps. L'homme n'a pas beaucoup de temps. L'humanité n'a pas beaucoup de temps. Et lorsque dans un cycle de vie, il y a un renversement de la polarité, lorsqu'il y a un renversement de force, les dégâts sur le plan matériel peuvent être suffisamment extensifs pour créer la débandade chez tous les peuples, dans toutes les nations. Alors l'individu, lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas intelligent, s'il n'est pas dans son intelligence, il est automatiquement absorbé par cette masse de basse vibration. Regardez ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques jours. La semaine passée, il y a deux semaines, il y a trois semaines, les Argentins étaient tous pour la guerre. Tout le monde était dans l'euphorie de la victoire, de la débandade des Britanniques. Et aussitôt que les militaires ont perdu la jungle, ont perdu la guerre, là c'est la débandade, là ils se retournent contre la jungle. L'homme inconscient, c'est un animal. Et l'animalité de l'homme, elle est dirigée d'où? Non? Alors le pauvre homme, lui, qui est dans la rue, qui se dégonfle, qui va là parce que le vent va là, et qui va là ensuite parce que le vent va là. Qui crée le vent? Ce sont les forces en haut qui créent le vent. Par le biais des émotions et des pensées humaines. Un Argentin qui serait intelligent sortirait du pays pendant que ça bouille. Mais non. Avec ses sentiments et ses idées, il ne peut pas sortir du pays. Parce que là, il va se faire dire dans la tête qu'il est un traître. Et s'il rencontre un autre Argentin, il lui dit qu'il sort du pays, l'autre va lui dire « Tu es un traître, tu n'es pas un frère », ainsi de suite. Alors l'homme transporte avec lui la culpabilité nationale, renforce sa culpabilité individuelle, et finit quoi? Sur le pavé, se suicide. Quand je vous dis que l'homme un jour réalisera, comprendra, qu'il doit être le seul juge de ses actions, un homme doit être le seul juge de ses actions. Et lorsqu'un homme n'est pas le seul juge de ses actions, qu'il a moindrement qu'un autre personnage, en lui ou extérieur à lui, qui juge ses actions, cet homme n'est pas homme. Cet homme n'est pas lui-même, il n'est pas dans son intelligence. Il est assujetti, et s'il est assujetti, éventuellement doit mourir. Vous avez du feu. C'est pour ça que je dis souvent, je comprends les gens qui souffrent, je comprends les gens qui sont dans la souffrance émotionnelle, dans la souffrance émotive, mais je n'ai pas de sympathie pour eux. Je ne peux pas sympathiser avec l'homme qui souffre, parce que je ne peux pas sympathiser avec l'ignorance de l'homme. Je peux aider l'homme, je peux ouvrir des sentiers, je peux expliquer les mécanismes, mais il faut que l'homme lui-même prenne la charrue et fasse le travail sur son terrain. Si l'homme n'a pas les, n'a pas la force, n'a pas les reins, n'a pas la puissance interne de faire un travail, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment évolué. Et si un homme n'est pas suffisamment évolué, pourquoi moi je perdrais mon temps à lui, avec lui, pourquoi je perdrais de l'énergie à sympathiser avec lui? Je vais dire à ma tête, bon, il reviendra dans une autre vie, il ira sur une autre planète faire une autre expérience, il reviendra plus fort dans 300-400 ans et il continuera sur le plan matériel dans une autre civilisation, plus équilibrée. Mais je ne peux pas sympathiser avec les gens qui sont faibles. Parce que je sais que les gens qui sont faibles ne pourront pas passer à travers. Alors, sympathiser avec des gens dont je sais qu'ils ne pourront pas passer à travers, déjà, c'est une perte d'énergie. Aussi, ce serait un manque d'intelligence. Et les hommes, vis-à-vis de la descente de l'intelligence en eux, vis-à-vis de la descente de l'énergie en eux, sont tous dans le même bain. Tous les hommes doivent prendre les armes contre l'influence de la télépathie ambiante. Il n'y a pas de choix. Dans une guerre, les généraux qui verront des gens blessés, qui verront des gens tués, sont obligés de continuer la guerre. Alors moi, je fais la guerre. Alors les gens qui sont blessés, les gens qui sont tués, je ne peux pas arrêter le mouvement. Le mouvement doit continuer. Et ça, plus ou moins, c'est ma position vis-à-vis de tout ce que je vous dirai dans les mois à venir. Vous avez beau venir dans les conférences, vous avez beau suivre ce que je dis pendant des années de temps. Il faut à un certain moment que vous preniez conscience que ce que je vous dis, que ce que je vous dis n'appartient pas à l'astral. Que ce que je vous dis n'est pas traitable par l'intelligence égocentrique de l'homme. C'est notre liberté en tant qu'homme. Votre liberté à vous, ma liberté à moi. Alors, les hommes sur le globe doivent éventuellement former un club de plus en plus puissant qui sera la nouvelle civilisation. Mais nous avons la mauvaise habitude de mesurer le pouvoir ou le potentiel d'une évolution quelconque en fonction des nombres. Ce n'est pas en fonction des nombres que nous devons juger l'évolution future, c'est en fonction du temps. Les grands mouvements sur la planète ont toujours commencé avec un nombre très très limité d'individus. La cinquième race de l'homme a commencé avec un très très petit nombre de rishis aux Indes. C'est toujours la même chose. Mais pour pouvoir comprendre le vaste panorama de l'évolution, il faut pouvoir réaliser le prédicament dans lequel nous sommes, mais le réaliser avec notre intelligence et non le réaliser par voie souvent très, très, très ténébreuse, très émotive ou très spirituelle de toute l'information qui nous vient au cerveau à cause de la télépathie ambiante dans laquelle nous sommes plongés. Nous devons réellement voir nos pensées, les réaliser nos pensées, les saisir nos pensées, regarder où elles nous mènent nos pensées, ce qu'elles nous disent nos pensées, et voir si ce qu'elles nous disent nos pensées nous convient réellement ou si elles ne nous conviennent pas. Et même si elles semblent nous convenir, voir pourquoi elles semblent nous convenir. Quand j'ai dit que l'homme n'a pas besoin de penser pour vivre, je sais ce que je dis, moi. Vous avez beau avoir dans le cerveau les plus belles pensées au monde, ce n'est pas parce que vous avez de belles pensées dans le cerveau que vous en arriverez éventuellement à être éveillé. Il est évident que si vous êtes en contact avec des entités qui sont plus ou moins évoluées de l'autre côté, vous aurez des pensées qui sont plus évoluées ici. C'est un cercle. Mais vous demeurerez quand même aussi prisonniers qu'ils le sont. Regardez les maîtres. Les maîtres spirituels sur la planète Terre sont aussi prisonniers de leurs pensées que les hommes. Mais au moins, ils sont prisonniers de belles pensées.